Vous avez été tous merveilleux. Et aux autres artistes français, c'est vraiment un plaisir de passer en Belgique. Alors maintenant, on va faire un coup terrible. On va vous demander ce que vous voulez qu'on joue. Tout ce que vous voulez, tout ce qui passe par la tête. Et on le... Allez! On le fait. Voici de Dick Hallegarn, le bébé éléphant. Un peu de chanson française. Dans ce trou. Un peu de son genre, 16 francs dans ce retrou. Ce qu'on va faire maintenant, on n'a jamais voir avant. Hein. Si on fait le cap là-dedans, il va y avoir. Mais auparavant, je vais vous dire un petit poème. Est-ce qu'il est noir? Il va pleuvoir. Mais je me moque de la pluie. J'ai mon parapluie. De Simon et Gilbert à la garde, voici le bébé éléphant. Le bébé éléphant. Je ne pire à beaucoup de vous inquiétez pour voler.